ma gorge prend feu. Ok, ok. Ok. Effet de style, mon flow sonne comme un crime. Toujours fluide, ma salive est une huile. D'assez, elle suffit pour qu'elle prenne feu. Ma gorge prend feu, son flamme s'embrase. Le ton est lancé. Dans mon garage, je me prends pour un dieu. Je me mets à rapper, je me mets à kiffer. Pourquoi travaille ma technique pour devenir pilote du beat. J'accélère, j'accélère, brise les braillards de fuseau horaire. Mon frère me crie arrête, tu feras ta gravité sur terre. Impossible pour toi de me taire. Je préfère tracer ma voie dans l'air. Et si la terre est une garde de rage, écoute comment je tourne la page. Et si la terre est une garde de rage, regarde comment je tourne la page. Mince merde, j'ai la poisse, pas de micro dans mon garage. MP3 m'accompagne de maths et si à ta compagne, je franchis le barrage. Je passe le barrage. Je passe le Mac 1. Et brise les lois, et brise les lois. Je passe le Mac 2. Et brise les lois, et brise les lois. Je passe le Mac 3. Et brise les lois, et brise les lois. Passe. Le mur s'enfonce. Le beat trop speed, je suis en retard. Laisse-moi le temps de profiler mon art. Profiler mon art, c'est faufiler mon art. Je passe le témoin. Donc passe le témoin, je prends le relais. Les MC tombent et attendent la relève. Reste pas à faire, pense pas à faire. Qu'est-ce t'as à faire? Fais jumper les frères. Serre les rimes, encore fait frapper. Le beat se met, les belles t'ont scotché. Catapulté en catacaché. Catastrophe, où t'es-tu caché? Je passe un son qui fait vibrer les deux écoles. Passe-moi le beat que je passe un hit à notre image. Des jeunes garçons de 15 ans qui sont en marge. Fermez-son les portes de l'université. Pas grave car l'univers est ma cité. Quand internet s'occupe de la sexualité des gamins. Dans mon garage, je m'offine chacun de mes refrains. Dans mon garage. Je lèverai pas le doigt pour prendre la parole. C'est trop utile quand l'état donne les rôles. J'attendrai pas 50 printemps pour commencer à vivre. Création pose des fondations d'un avenir qui m'enivre. Et si la terre est une garde-rage, regarde comment je tourne la page. Tu kiffes pas, c'est super fêtatoire. Tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes. Alors super fêtatoire. Passe. Écoute ce beat, ta fleur de peau, le son te guide, j'effleure ta peau. Ce soir je me donne, y'a pas mal d'onnes, j'enchaîne mes fâches, je reprends les basses car tous les jours je descends. Prendre en otage le mic et puis je béflant dans mon garage. Guetta fait flex, voilà le contexte, j'ai le bon réflexe. Ne sois pas vex, là si tu enchaînes, les mots s'enchaînent. Enlevez vos vestes, bougez vos têtes, le souffle me manque mais je me démène. La passe ta base, je me déchaîne, dans le genre bimbling, j'adore les chaînes. Dans le style biblique, Jésus, je le check, un style unique, pas mon pareil. D'un style plus personne le réveil, DJ 1, 2, 3. Allez, on court, allez, on court, là. On va déconner en l'air.